dans ce siècle qui fait que les nouveautés, ou plutôt, l'ancienneté est un peu perdue, et oui, parce que le temps passe. Mais les souvenirs restent, comme disent certains. Danse, danse ma romance, sur la gamme tu t'élances, pour aller dire bonjour à mon amour. Danse, danse ma romance, porte-lui mes confidences, et pour moi fais-lui la cour la nuit. Beaucoup mieux qu'un homme poème ou qu'un roman. Tu lui diras que je l'aime et perdument. Danse, danse ma romance, puisque toi seul as la chance d'être près de mon amour toujours. On a dit quelquefois, loin des yeux, loin du cœur, mais pour toi et pour moi, ce proverbe est menteur. Car lorsque nous voulons s'échanger de messages, tu regardes de nuages, et moi je dis à ma chanson. Danse, danse ma romance, sur la gamme tu t'élances, pour aller dire bonjour à mon amour. Danse, danse ma romance, porte-lui mes confidences, et pour moi fais-lui la cour la nuit, le jour. Beaucoup mieux qu'un long poème ou qu'un roman. Tu lui diras que je l'aime et perdument. Danse ma romance, puisque toi seul as la chance d'être près de mon amour toujours. Toujours. J'étais si fière de lui, j'ai pas pu résister à ma meilleure amie. Un jour je l'ai présenté. Il s'est plu immédiatement. Ils se sont mariés ce matin. Ils formaient un couplet battant. Et moi j'étais témoin. Et voilà pourquoi.

le sourire en chagrin, mais toujours sur le même chemin. Et voilà comment de jour en jour s'écrivent. Oui, c'est vrai, c'est un peu, comment dire, un peu tristounet, peut-être. Pas beaucoup de gaieté, mais vous avez écouté les paroles. Parce que c'est ça, tout le secret de la musique, ce sont les paroles, et la musique, bien évidemment, mais c'est surtout les paroles. J'espère que vous les avez écoutées, car même si cette chanson est empreinte d'un petit peu de nostalgie, de la nostalgie, il en faut, de temps à autre, elle est vraiment, en tout cas, je pense, qu'elle est bien adaptée à cette émission. De France, champagne de la danse, c'est vous qui faites tourner les têtes, mettez les cœurs en fête. Quant à vous, l'on se livre, vos rythmes nous enivrent, traduisant tout ce bonheur de vie. On apprécie que chez nous, vous êtes comme l'image de notre pays volage, qui trouve qu'être un peu fou, c'est la vraie façon d'être sage. Vous êtes comme l'emblème de nos petits défauts même, ces défauts de rien du tout, qui font que l'on nous aime. C'est l'amour qui s'arrange pour vous rendre. Champagne de la danse, c'est vous qui faites tourner les têtes, mettez les cœurs en fête. Quant à vous, l'on se livre, vos rythmes nous enivrent, traduisant tout ce bonheur de vivre qu'on apprécie. Thank you. ciel rouge et noir, chantent les guitares. Bolero, si tu voulais danser dans mes deux bras serrés, il ferait bon s'aimer. Viens, mon amour t'appelle, viens danser encore. Bolero, je garderai toujours le souvenir du jour où j'ai dansé l'amour. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Comme un rêve, la nuit qui se lève allume une flamme au fond de nos âmes. Soleil de tes yeux, instant merveilleux, pour que je prenne ta main dans la mienne. Dis-moi quand tu danses des mots d'espérance, dis-moi ton désir comme un premier soupir. Oh, l'air, dans la douceur du soir, sous le ciel rouge et noir, chante les guitares. Qu'il ferait bon s'aimer. Viens, mon amour t'appelle, viens danser encore. Oh, l'héro, je garderai Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Elle vient danser encore. Bolero, je garderai toujours le souvenir du jour où j'ai dansé l'amour. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Comme un rêve, la nuit qui se lève allume une flamme au fond de nos âmes. Soleil de tes yeux, instant merveilleux, pour que je prenne ta main dans la mienne. Dis-moi quand tu danses des mots d'espérance, dis-moi ton désir comme un premier soupir. Oh,

vous satisfaire, peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, nous sommes là, fidèles au poste, comme on dit. Il fait un peu chaud, mais bon, on s'adapte, hein. On s'adapte à tout d'ailleurs. Un soir de 14 juillet, quelques lampions qui tremblaient sur un fil faisaient briller solitaire et discret un tout petit bal au milieu de la ville. Bal, petit bal, où je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'un inconnu. Bleu ou bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs. Ils m'ont mis la tête à l'envers sur un air de fer. Je me souviens du patron sympathique qui discutait politique avec la gent flegmatique. Et pour nous deux, un seul musicien paresseux et le vent léger qui faisait voler tes cheveux. Et quand le dernier lampion s'est éteint, un grand amour était né dans la ville. C'était le nôtre, dansant au matin, dans le petit bal, devenu tranquille. Oh, je sais pas si tu t'en souviens du petit bal, du tout petit bal où je t'ai connu. Bon, c'est pas maintenant qu'il faut raconter des histoires, quoi. Ce soir-là, mais c'était vraiment qu'un inconnu. Bleu, oh, bleu ou vert, je comprends, ça n'avait vraiment plus d'importance. Tes yeux lumineux étaient tellement clairs. Ah, ils m'ont bien mis la tête à l'envers, alors. Bon, sur un air de fête, heureusement. Ah, oh, mes amis, ce fut une bien belle noce. Le patron et les huit gosses étaient venus en carrosse. Et maintenant, nous voilà clients pour longtemps de ce petit bal où l'amour un soir dansant nous a réunis pour toute la vie. Toute la vie nous a réunis. Eh oui, et vous en rappelez-vous? Vous en rappelez-vous du premier bal où vous l'avez rencontré? Des souvenirs? Ah oui, souvenirs, souvenirs, lorsque tu nous tiens par la main. Il fait bon d'écouter bien ces anciennes chansons, ces soirées de bal que nos grands-parents, voire peut-être même nos parents, que dis-je, nos grands-parents, oui, nos parents, nos grands-parents, avaient l'occasion tout simplement de danser. Ça fait du bien. Ça fait du bien. partis par une nuit plutôt nocturne. Nous quatre Dudule, le grand Victor et l'amnésique, nous avions collé ce mêle crêpe à nos coutures. Il y avait les outils, la passe Monseigneur, chalumeau cidrique. J'étais rencardé sur un boulot plutôt pépère. 3 kilos de diam, de la perlouse et puis du jonc. C'est pas si souvent que l'on dégote une bonne affaire. Ce soir entre tous, fallait pas faire les cornichons. Attention, garez-vous ce soir les attaques. Les bourgeois, les salauds, va bien falloir qu'ils raquent. On n'est pas sur le tas pour jouer la fipéide. On va prendre un gros coffre et lui verser le bide. On perce. Grand Victor prend la chignole, toi du nul fais pas le marieux. Tu la boucles ou bien sans ça, on perce. La musique à la courante, on va le mettre en 40. Ma parole c'est bien détente, perverse. Continue, je les renvoie dans la rue avec un coup de pied dans le cul. Ça verse. Le chalumeau se met à rôtir, le coffre fort il va souffrir. On va le mettre sans mollir, on perce. Nous sommes sortis avec du fric plein nos chaussettes. Ce vieux coffre fort était bourré comme un baron. Il y avait de quoi s'offrir de la tortore et des fillettes. Mais au coin de la rue, la Dudule qui s'écrie, les mecs on est marrons. Les poulets grouillaient comme à Oudan un jour de foire. La musique émue s'est mise à pleurer comme un veau. Il ne manquait plus à la basse-cour que les canards. Et voilà l'aurore qui arrive avec le Figaro. C'est fini, les poteaux ce soir on couche au gnouf. Plus d'osier, plus de filles et surtout plus de bouffe. Les barreaux de la cache referment sur nous. Mais demain, pour ma part, je commence à faire un trou. On perce. J'ai démonté mon plumard pour lui prendre une petite balle. Et du matin jusqu'au soir, on perce. Dans la cellule à côté, l'amnésique en train de gratter, va bosser jusqu'à ce que ça traverse. Le grand Victor, ce vieux feignant, reste sur son pieu tout le temps, à chanter le marché perçant. Ça verse. Spécialiste du boulot, si on a un petit peu de peau, sûr qu'on sera sorti bientôt, on perce. Nous avons creusé pendant 2 ans, sauf le dimanche. Y'a rien de plus dur que cette saloperie de béton. Nous quatre Dudule, on peut pas lire qu'on soit des manches. Mais j'aimerais mieux faire comme les marchands de bruyère, les trous dans du fronton. Et puis un beau jour, en livrant le dernier bout de ferraille, par le trou du mur, j'ai vu soudain luire le boulon. Vrai, ça fait plaisir, un résultat quand on travaille. C'est la récompense des galettes. Et ça, c'est bon. Attention, les poteaux, ce soir on met les voiles. Attachons bout à bout nos jolis draps de toile. C'est le moment de montrer qu'on est les rois du sport. On était bien soignés, mais sont les mieux dehors. On perce. Ça y est, nous voilà sauvés. Les diables sont récupérés. Et une balle vient claquer. On perce. On a de la peine, les amis. Car tout le jour d'aujourd'hui, il tombait une de ces pluies. À verse. Et l'amnésique s'envole vers Niort, du long corps et du nord. Et le grand Victor choisit le port d'Anversa. Comme il aime les fleurs des champs, il choisit un coin charmant. Il se retire à Ispahan, en verse sur les roses. Ah oui, sur les roses. Elle est bien celle-là. Hein? Ah oui, c'est les bourgeois. Les bourgeois. Eh oui. C'est pas toujours ce qu'on croit. Avec les bourgeois. Oh, faut pas se moquer, comme dirait Jacques Brel. Allez, ce sont nos souvenirs qui sont là. Seul dans l'étrange pénombre, chanter mon boléro en bleu. Le bleu de la nuit étoilée évoqua en moi les violons d'un amour. Chantant tout le mal que mon cœur a trouvé un soir, quand j'ai su que tu allais me quitter, toi qui encore souriais, oh toi. Toi le seul que j'aimais, le bleu de la nuit endormie te fait penser à celui de tes yeux, ses yeux aussi purs que la joie du printemps. Le plus beau roman, toi, qu'as-tu fait du bonheur? Oh, toi, qu'as-tu fait de mon cœur? Seul à l'étrange pénombre. Souvenirs doux ou sombres viennent chanter mon boléro en bleu. Une petite dédicace pour Mimi et Fanfan de la part de Lulu, tout simplement. Et oui, on a le plaisir de retrouver Mimi et Fanfan de temps à autre. Voilà. Et puis, Lulu, sa sœur, ne l'oublie pas, bien évidemment. Alors voilà ce que je vous propose, ma chère Mimi. Ceci. Écoute-moi, si loin que tu sois, je ne t'oublie pas, et je chante pour toi. J'entends la pluie pleurer dans la nuit. Elle pleure sur nous, California Blue, California Blue, California Blue. J'appelle au secours, California Blue. Et je meurs d'amour. Je

faudra apprendre à nous voir avec d'autres yeux. Au revoir, essaie de comprendre qu'au revoir, ce n'est pas tout à fait adieu. Au revoir. Comment veux-tu que je t'oublie? Au revoir. Nous nous sommes tant aimés. Après tant de tendresse et tant de folie, comment trouver la force? On aime un peu beaucoup et on le croit. L'amour n'est rien quand il ne rend pas fou. Mais on fait croire aux fleurs n'importe quoi. On aime un peu beaucoup et on le croit. Moi si je cueille la fleur des champs, ce n'est qu'au vent que je les feuille. Un peu beaucoup, ces mots nous feraient peur, mais on fait croire aux fleurs n'importe quoi. L'amour n'est rien quand il ne rend pas fou. Un peu beaucoup et on le croit. Moi si je cueille la fleur des champs, ce n'est qu'au vent que je les feuille. On aime un peu beaucoup et on le croit. L'amour n'est rien quand il fou. Mais on fait croire aux fleurs n'importe quoi. On aime un peu beaucoup et on le croit. Mais oui, que voulez-vous, on ne s'en lasse pas, on ne s'en lasse pas. Tellement de souvenirs avec l'ami Dédé et l'ami Serge. Dédé, bien entendu, Bertetto et Sergio Della Langa. Ce sont deux véritables amis que je n'oublierai jamais. Et oui, et de temps à autre, eh bien, moi, ça me paraît, ça me manque, voilà. Et donc, petit hommage de temps à autre, pourquoi pas. Allez, encore une pour se faire plaisir et pour nous faire plaisir. je le sais. Il a suffi qu'un bon matin, un tambourin suive le refrain d'une guitare, pour que partout de Tahiti à la Volga, aussitôt ce soit la même histoire. Et volent les jolies demoiselles comme une tourterelle pour s'en aller danser. Il a suffi qu'un beau matin, un tambourin suive le refrain des balalaïcas, pour qu'aussitôt la fille en pleurs oublie son cœur dans les coquelicots le long de la Volga. Et danse, danse sous la tonnelle, la pauvre demoiselle qui avait tant pleuré. Commence avant les fiançailles, les baisers dans la paille, derrière les moulins. Il a suffi qu'un beau matin, un tambourin suive le refrain d'une guitare, pour qu'aussitôt à Tahiti, la vaillinée part dans les flots, la vie, la mare. Pour s'en aller danser, vogue la pelle, vogue sur la lagune, les vagues sous la lune ont le goût des baisers à Tahiti ou à Capri. Petite anecdote concernant l'ami Dédé, son épouse Nicole a fait une rétrospective ancienne avec des photos, avec des disques, avec tout un tas d'instruments de musique chez elle, en fait, dans son couloir. Alors quand on arrive, bien sûr, à la maison de vie, hein, puisque c'est là-bas qu'elle habite, eh bien, quand on arrive dans son couloir, voilà, on revit ces moments magnifiques que l'on a pu passer en leur compagnie. Quand c'était les Joyeux Vagabonds, quand c'était les Copains du Rythme, quand c'était, enfin bon, tous les orchestres dans lesquels ces deux amis eh bien, ont participé. Voilà, c'est un souvenir aussi, là. J'ai pu découvrir, il y a quelques jours, cette mini-exposition faite par Nicole. Bravo, Nicole, si vous êtes à l'écoute, en tout cas, je vous fais une grosse bise, parce que là, vous m'avez ému. Voilà, tout simplement. Allez, souvenir, souvenir, quand tu nous tiens. Parfois, tout seul, le soir, de repenser à toi. Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Une photo que tu m'avais donnée.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire. Avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvre bête, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Jolies, les mignonnettes, elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami, leur ami, que je suis leur ami, leur ami, que je suis leur ami, leur ami. Ah oui, ça se termine un peu brutalement. Pardon. Pardon, ça se termine un peu brutalement. On fait, oui, c'est quelques pas en arrière, mais je vous avais prévenu, hein, je vous avais dit que dans cette émission, nous ferions un retour vers le passé. Voilà, c'est une émission avec ce retour vers le passé. Voilà, ça fait du bien de temps en temps de revenir en arrière et puis de voir qu'il y avait des belles choses finalement. Hein. Il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'il y a des belles choses. Il y avait aussi des belles choses avant. Eh oui. Peut-être. Non, mais j'en dirai pas plus. Allez, on continue, Herbert Léonard. Sans en attendre rien,

quisiera ser noche en tu piel. Pensaré que fue todo un sueño. Después descubrirte otra vez y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lo creer. Tan mía, mía, mía, mía, que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer. De tu pecho la miel del amanecer, mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser, bailar el vals de las olas, cuerpo a cuerpo tú y yo, fundirme contigo en las sombras y hacerte un poema de amor. Amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lo creer. Tan mía, mía, mía, mía, que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte mujer. Il avait du mal à démarrer l'espagnol. Hein. Oh là là. Oui, une petite erreur de ma part. Pardon, hein. Pardon, mais bon, je me suis aperçu trop tard. Voilà, tout simplement. Allez, le quart d'heure italien. Allez, je vous promets qu'il est très bien. Allez, c'est parti. Proprio l'altro giorno, sai, ti ho visto arrivare.

Le quart d'heure italien, c'est sur le 91, c'est sur le 102.5, c'est sur Sorgé FM, c'est sur la radio la plus proche de chez vous, mais c'est dans une seule émission. Oui, rendez-vous avec vous. Voilà. On y va ? Allez, on y va ! C'est pas fini. Capotavola, la nonna accanto a lui, i genitori, i figli numerosi più che mai, intorno a quella tavola raccolta, era felice la famiglia di una volta. Purtroppo era impossibile cambiare la realtà, allora nel letto freddo si sognava volontà, e dal mattino con la voce di chi spera si recitava insieme la preghiera. Quasi ogni giorno la famiglia di una volta s'accontentava di fagioli e di polenta, con pochi soldi e troppe bocche da sfamare, ai desideri era costretta a rinunciare. A poco il benessere è venuto e tanti duri sacrifici ha cancellato, ma la famiglia di una volta resterà il grande esempio dell'amore in povertà. Un paio di scarpe rotte si portava a riparare ed il vestito vecchio si doveva rammendare, così passava poi l'abbigliamento, dai grandi ai piccoli con qualche accorgimento. Il giorno senza svaghi era lungo da finire, soltanto i benestanti si potevano divertire. Non c'era inquinamento in tutta la natura, ma non s'andava in villeggiatura. Quasi ogni giorno la famiglia di una volta s'accontentava di fagioli e di polenta, con pochi soldi e troppe bocche da sfamare, ai desideri era costretta a rinunciare. A poco il benessere è venuto e tanti duri sacrifici ha cancellato, ma la famiglia di una volta resterà il grande esempio dell'amore in povertà. A poco il benessere è venuto e tanti duri sacrifici ha cancellato, ma la famiglia di una volta resterà il grande esempio dell'amore in povertà, il grande esempio dell'amore in povertà. Ah, on y est bien dans le quart d'heure italien. Ah oui, c'est presque fini. Pas encore, hein, c'est presque fini, j'ai dit, dans quelques minutes. Eh oui! Ricordi l'usignolo sul salice piangente, cantava le più dolci melodie. Ricordi quel tramonto, la sera e poi la notte, mai vista in cielo stelle così fitte, ma la luna però quella notte non c'era chissà dove era andata la luna innamorata, ma la luna però quella notte non c'era. Dove è andata la luna innamorata? Mia luna, dolce luna, su dimmi come mai ti sto cercando in cielo, ma tu non ci sei. che io ti sussurrai a un'altra donna non l'hai detto mai. È stato un giuramento, un colpo di follia. Ti sposo, mi giurasti amore mio, ma la luna però. Come mai ti sto cercando in cielo, ma tu non ci sei. Noi siamo ritornati al salice piangente, ma di quella magia restava niente. Promesse e giuramenti finiti nell'oblio, peccati che offendono il buon Dio. E la luna lassù, questa volta lei c'era, lei c'era. Nel cielo era tornata, la luna innamorata. Ascolterò il cuore tuo che batte insieme al mio. immaginando il tuo profilo. C'est fini. On va se quitter. On se retrouvera très bientôt. Hein. Dans les rediffusions, bien sûr, dimanche, lundi. Et puis mercredi, le direct. Je vous aime, je vous embrasse, et vous les femmes. Ah, vous les femmes, je vous embrasse. Partout, partout, partout, partout. In un romanzo. Abbiamo vissuto quante montagne abbiamo scalato. Quel giorno il nostro amore ci ha uniti e poi la gelosia ci ha divisi. Con te. Vous écoutez Sorgi FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 FM et sur le 102.5 FM.